je fais pas l'intéressant. Je vais me répéter, faut me mériter. Je vais pas regretter, c'est la vérité. Et c'est pas évident, il va méditer. Mais je le dis tranquillement, faut pas paniquer. Quand je le vois, je perds mes mots. Donc je le vis, faut pas perdre la tête. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Quoi il pense, il veut qu'on s'envole, mais j'ai peur des turbulences. Parce que si on se crache, c'est trop tard pour les ambulances. Est-ce qu'il est différent? J'aimerais lui laisser sa chance.